Seguiamo con la sessione 3, ruoli degli uomini negli spostamenti e impatto economico della circolazione. Passiamo al Rodno e voglio dare la parola a David Jowie per parlare su una specialisation des bras du Rhône en fonction des marchandises. David. Merci. En introduction de ma communication, je vais présenter un bilan des travaux concernant la carte archéologique des Saintes-Maries de la Mer. Il faut savoir que c'est une mission qui est dirigée maintenant depuis une vingtaine d'années par Luc Long, qui est conservateur au DRASM, et qui consiste à inventorier, expertiser les 17 différentes épaves qui se sont échouées au large des Saintes-Maries de la Mer. Donc il faut savoir qu'après 20 années de prospection, les campagnes de sondage et prospection ont permis de trouver, de recenser plus d'une vingtaine d'épaves antiques entre l'Espigate et l'ouest des Saintes-Maries de la Mer. Donc ces épaves sont le plus souvent découvertes de manière fortuite par des patrons de chalutiers ou des plongeurs amateurs. Donc elles se localisent, on le verra, à une certaine distance de la côte et... Concernant ce dossier des Saintes-Maries de la Mer, il faut bien avoir l'idée que c'est un dossier ancien en ce qui me concerne, parce que j'ai étudié ça il y a une quinzaine d'années dans le cadre d'un Master 2 concernant le commerce du fer d'après les épaves des Saintes-Maries de la Mer. Et aujourd'hui, je travaille essentiellement sur le dépotoir amphorique d'Arles. Donc aussi, en reprenant ce dossier et en comparant les données issues du dépotoir amphorique d'Arles, certaines contradictions, certaines interrogations me sont apparues qui m'ont amené à envisager l'hypothèse que le Rhône Saint-Ferréol était un bras spécialisé dans l'acheminement des matières premières. Donc c'est une hypothèse, il est vrai, qui repose surtout sur l'absence des épaves chargées d'amphores. Et en archéologie, il est toujours un peu délicat de raisonner à partir des absences, qui bien souvent reflètent plus un déficit de la recherche qu'une véritable réalité archéologique. Mais ici, en l'occurrence, après 20 années de prospection et de sondage, il m'a paru plausible d'envisager cette hypothèse. Donc c'est toutefois une communication que je pourrais qualifier d'exploratoire, dans le sens où elle est plus du mode interrogatif que véritablement démonstratif, mais qui permettra plus tard, lors de prospection, de pouvoir confirmer ou infirmer cette hypothèse. Donc dans un premier temps, je vais aborder la façon dont les épaves ont naufragé. Donc on verra notamment que le positionnement de ces épaves permet d'avoir une idée du paléorivage dans l'Antiquité. Donc ça, c'est une donnée qui est assez importante car elle permet d'orienter les prospections. Ensuite, je vais aborder un inventaire assez rapide de ces différentes épaves. Et ensuite, j'aborderai ma problématique en essayant de comprendre pourquoi, quelles sont les finalités d'une différenciation des bras du Rhône et en émettant des hypothèses. Donc concernant la façon dont ces épaves se sont échouées sur des cordons alluvionnaires. Donc on peut les voir ici sur la carte. On a des cordons qui se forment par bande de 3 systématiquement parallèles au rivage. Donc en fait, ce sont des cordons qui sont alimentés par l'érosion de la dune côtière et par les sédiments charriés par le Rhône. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils se forment systématiquement à 50, 100 et 300 mètres du rivage et qui limitent la hauteur d'eau sous le bateau à 2 mètres. Ces cordons matérialisent donc une certaine distance par rapport à la côte. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que de l'Antiquité à nos jours, on a un mouvement de transgression marine qui a fait reculer le rivage. À partir de là, les cordons vont disparaître. Ils vont disparaître et ils vont se reformer à 50, 100 et 300 mètres du rivage. Donc ça, c'est des données qu'on connaît bien, notamment par les études d'Albert Illouz, qui a étudié les conditions de naufrage des bateaux du 18 et 19e siècle. On sait en particulier qu'en général, par mer forte, par houle, les bateaux vont percuter le cordon placé le plus haut au large, la quille va être cassée, le gouvernail arraché, les bateaux vont traverser ce rapide chenal qu'on appelle la Cadoule et ils vont s'échouer ici, par 2 mètres de fond à 100 mètres du rivage. Donc on voit ici un brick du 19e siècle qui est justement engravé, enchâssé sur ces cordons. On a ici un chalutier qui est également en fâcheuse posture. Et quelquefois, par mer forte, le bateau peut même se retrouver directement sur la plage. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que les différentes campagnes de cartes archéologiques dirigées par Luc ont permis de retrouver les bateaux du 18 et 19e siècle. Sauf qu'on ne les a pas retrouvés à 100 mètres du rivage et par 2 mètres de fond, mais on les a retrouvés par 7 mètres de profondeur. Ce qui indique qu'entre le 18e siècle et nos jours, on a eu une transgression marine qui a fait reculer le rivage de 600 à 700 mètres. De la même façon, les épaves antiques se retrouvent sur un isobat régulier de 14 mètres de profondeur, ce qui permet d'apprendre que de l'Antiquité à nos jours, le rivage a reculé de 2 km. Un rivage qui a un pondage quand même assez faible. Donc ces résultats permettent, lorsqu'on pointe sur une carte le positionnement de ces épaves, d'avoir une idée à 100 mètres de paix du position du paléo-rivage. Donc c'est des résultats qui ont été confortés par des carottages. Là ici on voit Claude Vella en train de faire un carottage au large des Sainte-Marie-de-la-Mer. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que si à l'est, ce tracé des épaves est assez parallèle à la côte, au niveau de l'embouchure, en revanche, on voit que les épaves, matérialisées ici en rouge, semblent dessiner la forme caractéristique d'un lobe alluvial, qui est représenté ici en bleu clair. Donc les lobes alluviaux, on le voit sur cette carte des consuls d'art du XVIIIe siècle, ont vraiment une forme assez circulaire, ici. Donc ce serait au sein de ces lobes alluviaux que les épaves se seraient échouées. Donc là, on voit sur cette carte qui a été faite par Luclon, en point noir, les lobes alluviaux, les épaves qui se seraient échouées dessus. Et entre ces lobes, on avait ici des zones de passage qui pouvaient être matérialisées, comme c'était le cas encore au XVIe siècle, par des bouées ou des amphores flottantes. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps, il faudra demander à Swan Fontaine. Donc ces zones de passage, ces gros, pouvaient être matérialisées. À partir de là, les bateaux se positionnaient face à l'embouchure du Rhône Saint-Ferréol. Et Luclon avait remarqué une zone avec des ancres. Donc à partir de là, ça délimitait une zone de mouillage à partir de laquelle il pouvait y avoir un transbordement des éléments les plus pondéreux sur des bateaux type allège qui étaient capables de remonter le Rhône. Donc concernant l'inventaire, je vais aller assez vite. On a 2 épaves chargées de lingots de plomb. Donc SM12 avec 6 lingots de plomb qui ont été remontés dans les filets d'un chalutier. On a SM1 qui est une épave assez homogène avec 100 lingots de plomb. On les voit ici en plan. Donc là, il y a l'estampille du producteur. Ce sont des épaves apparemment qui arrivaient de Germanie, donc qui descendaient le Rhône. C'est la seule épave en tout cas qui a attesté qui redescendait véritablement le Rhône. Et on a la contremarque impériale. Ensuite, on a 2 épaves de lingots de cuivre. Donc on a fait des correspondances avec éventuellement une origine languedocienne. Une découverte encore réalisée dans les filets d'un chalut qui donne 2 galettes de cuivre soudées de 7 kg chacune. Donc à ces 4 épaves se rajoute une épave d'objet en bronze. Donc ça c'est un petit peu particulier dans la mesure où dans un secteur assez bien circonscrit au niveau des Sainte-Marie-de-la-Mer, on trouve d'une année sur l'autre, d'une campagne sur l'autre, systématiquement des objets en bronze. Alors s'agit-il d'une épave chargée d'objets destinés à être recyclés ou d'objets précieux ? C'est possible, d'autant plus que dans la même zone, on a retrouvé dans les filets d'un chalutier une tête d'Auguste. Ensuite, se rajoutent 3 épaves de marbre. Certaines comparaisons ont été faites avec le marbre de Carrare, donc célèbre carrière. Donc là, on a la chance d'avoir des bonnes visibilités, de pouvoir avoir une vision globale du site. Et ensuite, ce qui illustre, à mon avis, le mieux ce commerce, c'est 11 épaves chargées de barres de fer. Donc au fond de l'eau, on a le plus souvent des grandes concrétions métalliques. On les voit ici, avec le plongeur dessus. Donc à partir de là, on remonte des petites concrétions satellites. Et dès le moment où on commence à débiter la gangue ferro-calcaire, les barres de fer vont apparaître. Donc ça, c'est un fer qui a bénéficié d'analyses de Marie-Pierre Cousture à partir de micro-inclusions de scories, donc qui permet d'avoir la datation, la signature chimique du minerai originel. Et on a pu établir sur 4 épaves différentes une origine en direction de la Montagne Noire, qui se situe au nord de Narbonne. Ensuite, on avait également des noms estampillés qui permettaient de faire un rapprochement avec l'épigraphie funéraire de Narbonne. Au total, 19 épaves chargées de matières premières, auxquelles se rajoutent 3 autres épaves, une de marbre et 2 de fer qui ont été inventoriées l'année passée. Donc tous les ans, systématiquement, on a des nouvelles épaves. Donc au niveau des datations, on se situe entre 50 avant, pour la plus ancienne, jusqu'à 100 après Jésus-Christ, essentiellement par des morceaux de sigillés, des quelques fragments d'amphores qui sont situés à proximité. Donc avec ces 22 épaves, on est quand même frappé par la nature de la cargaison qui concerne essentiellement des matières premières. Et on pouvait se poser la question de savoir pourquoi il n'y avait pas d'épaves chargées d'amphores. Donc cette question se posait d'autant plus que à Arles, donc dans la zone où je travaille, il y a un gisement A qui se situe ici, entre le pont de la voie rapide et où on dénombre des milliers, non, j'allais dire des millions, des milliers, voire des centaines de milliers d'amphores. Donc c'est un dépotoir qui est absolument monstrueux, avec une grande quantité de matériel flavien, et je pense en particulier aux amphores de Betty qui sont présentes en très grande quantité. Je crois que ça doit faire à peu près 60% des importations. Donc on voit ici une journée de travail, donc c'est vraiment des quantités importantes où on voit systématiquement ces amphores du 1er siècle après Jésus-Christ qui viennent de Betty. Donc malgré ce constat, Luc Long recense toutefois trois épaves chargées d'amphores. Donc je voudrais m'attarder un petit peu sur ces épaves, car la vraie question à se poser, c'est de savoir si ces épaves ont essayé vraiment de remonter le Rhône Saint-Ferréol. En effet, ces épaves sont qualifiées assez justement de profondes, dans la mesure où elles se trouvent à 62, 120 mètres et 662 mètres de profondeur. Donc, cette profondeur traduit un certain éloignement de la côte. À l'évidence, ces épaves ne sont pas échouées sur les cordons alluvionnaires. Dans le cas de l'épave plage d'Arles 4, échouée à 662 mètres, elle se retrouve à 4000 nautiques de la dite plage. Autrement dit, il n'est absolument pas évident que cette épave essayait de remonter le Rhône, et encore moins évident de dire qu'elle ciblait le seul cap Saint-Ferréol. Concernant ces trois épaves, qualifiées de profondes, je trouve que le rapprochement forcé un petit peu avec le Rhône Saint-Ferréol traduit un malaise. Ce malaise concerne l'absence des épaves chargées d'amphores. Et pour donner des explications, les arguments avancés, qui sont assez judicieux, concernent les filets des chalutiers. Ces filets auraient pu effectivement disloquer les épaves d'amphores, à l'inverse des blocs de marbre ou des concrétions. Le problème étant que ces filets, lorsqu'on a une épave, on a un monticule d'amphores, et lorsqu'un filet passe, on devrait avoir un champ d'amphores cassé, assez facilement identifiable. Dans le cadre des cargaisons de Bétique, avec au-dessus des cargaisons secondaires de parois fines, des céramiques très fines, qui sont présentes en très grande quantité dans le Rhône, on devrait retrouver au moins en sondage ces fragments de parois fines, qui devaient se retrouver par milliers. Or, aucun fragment de parois fines a été identifié. De plus, on souligne que l'une des épaves a été retrouvée, mais elle date du 4e siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'on est en dehors de notre chronologie. On apprend que ce gisement accroché à plusieurs reprises par des chalutiers a provoqué un champ d'amphores cassé, d'autant plus facilement identifiable. Autrement dit, on peut identifier lors de prospection ces épaves lorsqu'elles sont accrochées par des chalutiers. Donc, en dehors des épaves qui sont absentes, donc qui causent un problème, on a des amphores qui sont trouvées, des amphores du 1er siècle après Jésus-Christ. S'agit-il d'un dépotoir portuaire, d'une zone de rupture de charge ? Le problème de ces amphores, c'est que, à mon sens, ce sont plus une accumulation d'amphores isolées. On a 2000 ans d'écart entre une amphore qui date du 6e avant Jésus-Christ et une amphore qui date du 6e après Jésus-Christ. De plus, pour expliquer la présence de ces amphores isolées, il ne fait pas de doute que lorsque les bateaux étaient engravés sur les cordons, le premier geste consistait à prendre le premier objet issu de la cargaison secondaire et de le jeter à l'eau pour alléger le bateau. Et effectivement, la loi Rodia de Iactu signale cette pratique, qui est définie comme la pratique du jet dans le droit romain, pour sauver le navire. Donc, à partir de ce constat, il faut également se poser des questions sur cette zone de mouillage. Cette zone de mouillage rassemble des ancres, mais ce sont des ancres toutes petites, en pierre, qui sont plus à rapprocher d'un petit bateau, d'une barque, que d'un véritable bateau de commerce. Je voudrais signaler aussi la communication de Sabrina Marlier, qui a étudié l'architecture navale de ces bateaux. Les cinq qui ont été étudiés, pour l'instant, renvoient vers des types fluviaux maritimes, qui donc devaient tracer directement en direction d'Arles. Il n'y avait pas besoin de rupture de charge. Et je signalerai également mon étonnement à voir finalement une zone de mouillage censée procéder au transbordement des marchandises qui se situe pile en face le Rhône. Donc ça, je ne suis pas compétent, c'est juste une remarque. Donc, concernant ces épaves, on a effectivement 22 épaves chargées de matières premières. Il faut saluer le travail qui a été fait par Luc Long, qui a quand même inventorié depuis plus de 20 ans ces épaves dans des conditions difficiles. Mais c'est vrai que cette concentration est exceptionnelle. À ma connaissance, je ne connais pas une concentration aussi importante dans une région qui, à l'échelle de la Camargue, est vraiment dans un mouchoir de poche. Une concentration aussi importante d'épaves chargées de matières premières. Donc, la question que on pouvait se poser, c'est de savoir si le Rhône Saint-Ferréol était un bras spécialisé dans l'acheminement des matières premières. Et la question subsidiaire, par quelle voie transitaient les millions d'amphores en charge d'alimenter l'axe Rhône-Saône-Rhin? On pense à toutes les villes de la moyenne et haute vallée du Rhône, on pense aux troupes romaines qui stationnaient sur le Rhin, c'est des quantités importantes. Donc, je vous présente une carte que vous commencez à connaître. Donc, on sait, donc il y avait effectivement trois voies. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On avait donc la mosaïque des corporations d'hostiles en témoigne. Et on avait également une quatrième voie d'accès, symbolisée ici par le canal de Marius. Donc, par rapport à ces voies, en dehors du Rhône-Saint-Fréol, les possibilités concernaient potentiellement trois voies. Il y avait le Rhône, dit Pécaïs, ici. Donc, c'est un Rhône qui, apparemment, est actif à partir de la période augustéenne. Il n'est pas évident que vous avez eu le temps de l'aménager, même si on peut penser que des chemins de halage naturel pouvaient être réalisés. Mais, à en croire Claude Vella aussi, il y avait une dynamique assez forte qui n'était pas vraiment propice à la navigation. Concernant le canal de Marius, il est créé en 102 avant Jésus-Christ, mais on n'a aucune idée de savoir si au 1er siècle après Jésus-Christ il fonctionnait, et on n'a également aucune idée précise sur sa localisation. Donc concernant les textes, la seule mention concerne la bouche massaliotique, c'est-à-dire le Rhône d'Ulmelt, situé à côté de Fos. Pline l'Ancien indique la bouche massaliotique est la plus large, autrement dit la plus apte à la navigation à la voile. On comprend bien que plus un fleuve est large, plus on peut tirer des bords pour le remonter. Donc à partir de là, on pouvait s'interroger pour savoir si le Rhône Saint-Fréol était spécialisé dans les matières premières et le Rhône d'Ulmet dans celui des amphores. Donc les raisons peuvent être nombreuses. Il peut s'agir de fluidifier et organiser le trafic. André Tchernia avait évoqué à titre... c'était difficile comme statistique, mais il avait imaginé qu'il y avait 670 bateaux qui devaient être acheminés à Rome pour l'approvisionnement. Ici, on ne connaît pas le nombre de bateaux, mais entre toutes les villes et les troupes romaines, je pense qu'on doit se retrouver sur un chiffre à peu près équivalent. Donc disposer de deux bras, ça pouvait effectivement servir à fluidifier. Concernant cette différenciation, différencier les matières premières et les amphores, c'est différencier les matériaux comestibles et non comestibles, qui peut avoir des incidences sur la spécialisation de hangar. Donc il est toujours difficile d'identifier la nature des auréats, mais dans le cas d'hostie, l'immensité des auréats, les sols suspendus permettant d'éviter l'humidité et de procéder à une bonne aération, ont permis d'attribuer la nature de la cargaison stockée au blé. Concernant les textes, on a peu de mentions, et concernant les matières premières, il n'y en a aucune également, même si on suppose qu'elles devaient exister. Donc il faut signaler un travail de Christian Ricot qui avait remarqué le caractère hétérogène des cargaisons pour le plomb, Superduto 2, Cabrera 4 et Cabrera 5. Donc Christian Ricot avait remarqué que sur une même épave, on pouvait avoir 10 sources d'approvisionnement différentes, 10 fonderies différentes qui appartenaient à un même négociant, ce qui supposait que ces plombs devaient au départ être stockés dans une même zone, ce qui suppose une zone d'approvisionnement commun, une zone de stockage spécialisée dans le plomb. Et là, en l'occurrence, il voyait le port d'Hispalis avec un rapatriement des ressources minières de la Sierra Morena. Pour le faire, c'est la même chose. Sur Sainte-Marie 9, on a une analyse chimique en lien avec la montagne noire et on a deux autres analyses dont on ne sait pas d'où vient le fer. Donc là, il envisageait qu'à partir du port de Narbonne, effectivement, des zones de stockage spécialisées pour le fer pouvait permettre aux négociants de s'approvisionner, et par rapport à Narbonne, qui était en charge de récupérer toutes les ressources de la montagne noire, la Corbière ou même les Pyrénées orientales. Concernant les ports d'importation, ces zones permettaient d'accumuler les marchandises, surtout pendant le moment où la mer n'était pas praticable, assurer les rotations des convois dans les zones de rupture de charge. Ils devaient faciliter effectivement des engins de levage, différencier un bras chargé de matières premières et un bras chargé des amphores, c'est des engins de levage différents, des blocs de marbre de 2 mètres sur 1 sont quand même assez importants. Il pouvait également être judicieux de différencier ces matières pour établir des zones de transformation, toujours polluantes, qui peuvent être éloignées des centres-villes, ou alors même des débitages de pierres qui permettent ensuite de faciliter la diffusion des produits. Donc face à une telle logistique visant à différencier les bras du Rhône en fonction de la nature des marchandises, il est vrai que Fos semblait être la zone idéale de stationnement. Fos, on l'a vu avec Swen, est vraiment le véritable avant-port d'Arles. Les bateaux étaient le plus souvent obligés de stationner. Il fallait attendre que le vent se lève. Donc des fois, si l'on en croit les sources modernes, le temps d'attente pouvait durer un mois. Il fallait attendre que les chemins de halage se libèrent. Il fallait organiser les chemins de halage en regroupant des dizaines d'hommes. Il fallait également des fois stationner pour éviter les périodes de crue ou au contraire les périodes d'étiage. Et pour les bateaux les plus importants, il fallait stationner pour procéder au transbordement. Donc à partir de fosses où je situe une zone de stationnement, l'information pouvait être communiquée et les bateaux pouvaient être redispatchés en fonction de la nature de leurs marchandises. Donc concernant cette zone de stationnement à fosses, on a des indices. Il y a des céramiques communes qui permettent de matérialiser cette zone de stationnement. On attribue ces céramiques à la dotation des bords des marins. Donc on a, pour deux raisons, ces céramiques se retrouvent que sur des bateaux et dans des contextes portuaires, ce ne sont pas des céramiques locales. On les retrouve en effet sur des bateaux et sur tous les contextes portuaires comme Port-La Nautique, Port de Fréjus, Port de Marseille, Ostie et en l'occurrence ici Fos et Arles. Et ces pots ne se retrouvent jamais dans les contextes de consommation. Donc à partir de ces pots, donc là vous en avez qui viennent de Bétique, ici qui vient du Latium. Donc à partir de ces pots qui permettent de tracer la partance du bateau, en partance de Bétique et en partance des ports de Rome, les marins consommaient ces conserves et après les jetaient par-dessus bord. Autrement dit, cette céramique qu'on retrouve à Fos et à Arles permet de matérialiser un stationnement prolongé du bateau. Donc maintenant, il est effectivement assez difficile de savoir si Fos possédait des auréas spécialisées dans les amphores. On voit bien évidemment que la vignette caractérise Fos avec ses auréas. On a effectivement, lors des prospections, trouvé une très grande quantité d'amphores du 1er et du 2e siècle après Jésus-Christ, mais on n'a pas encore trouvé de structure en place. Donc je voudrais parler d'une découverte épigraphique qui pourrait supposer une zone de stockage provisoire à Arles et à Fos, et également une logistique concernant le reconditionnement des produits vivriers, c'est-à-dire des produits d'amphore à Fos. Donc il s'agit de la découverte d'une quinzaine d'inscriptions peintes, donc qui était assez singulière, car elles se retrouvaient sous le fond annulaire de la cruche. Donc ces inscriptions peintes déclinent des trianomina, des noms au génitif, et surtout des noms au génitif pluriel. Donc là, c'était extrêmement intéressant car ça concerne à l'évidence des négociants. Des négociants qui étaient en charge de commercialiser non pas la cruche ou les pots, mais le contenu de ces cruches. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on trouve ces inscriptions peintes à Arles, on est dans une zone de rupture de charge où les amphores arrivent, elles sont transvasées dans d'autres conteneurs et ensuite elles sont jetées dans le Rhône. Autrement dit, ces noms pourraient matérialiser pour la première fois des négociants de conditions modestes en charge justement de la diffusion de ces produits. André Tchernia s'était interrogé justement au moment où le négociant arrive avec son bateau chargé d'amphores. Est-ce qu'il les disperse? Est-ce qu'il disperse le contenu des amphores dans d'autres récipients? Est-ce qu'il attend le client en mettant ses amphores sur un comptoir et en les vidant progressivement dans des petits pots apportés par les acheteurs? Et il concluait, il faut imaginer ces situations concrètes et ne pas rester dans l'abstrait du concept de dispersion. Donc là, ici en l'occurrence, avec ces inscriptions peintes qui mentionnent des négociants, j'ai selon moi l'un des maillons finaux du grand commerce en charge de la diffusion de ces produits. Ces inscriptions se retrouvent à Arles, zone de rupture de charge, et également à Fos, ce qui suppose qu'on avait à Fos au moins une zone de stockage provisoire d'amphores et même toute une logistique visant à reconditionner les produits liquides et semi-solides dans des pots pour une diffusion locale ou régionale. Comment vérifier cette hypothèse? Donc on a vu au début de la communication que les épaves des Saintes-Maries de la Mer se retrouvent sur une ligne assez précise, celle qui définit la ligne de rivage du 1er siècle après Jésus-Christ et qui se positionne face en l'embouchure du Rhône Saint-Fréol. Autrement dit, le Rhône d'Ulmette qu'on voit ici est recouvert par les différents atterrissements. On a toute la plaine deltaïque qui est recouverte d'alluvionnements. Il faudrait arriver à cibler la zone qui situe le paléo-rivage de 100 après Jésus-Christ avec l'embouchure supposé du Rhône d'Ulmette. À partir de cette zone, si on fait des prospections, si on fait des sondages, si on trouve que des épaves à amphores, car apparemment les conditions de naufrage doivent être identiques à celles des Saintes-Maries de la Mer, cette hypothèse pourra être vérifiée. Voilà, je vous remercie. Bien, je remercie beaucoup à David pour une présentation très, très intéressante. Retournons une autre fois au Bouches-du-Rhône. Maintenant, la salle est libre pour les questions posées à David. Nicolas. Merci David pour cette présentation. J'ai deux questions. Une première qui n'a pas directement à voir avec le matériel trouvé sur le site des Saintes-Maries de la Mer, mais il me semble, peut-être je me trompe, mais dans les publications où Luglon fait allusion à des structures portuaires au Saintes-Maries de la Mer. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Parce qu'on n'en a pas reparlé. Et la deuxième question que je trouve dans le cadre du commerce du fer, c'est qu'on trouve clairement du fer qui vient de Germanie, donc qui descend du plomb, en Europe. Du plomb, pardon, qui vient de Germanie. Et on retrouve également du plomb ou du fer de Narbonnaise. Donc on aurait au même endroit le même type de matériel, un qui part de descend le Rhône et l'autre qui remonte. Tout à fait. Donc il y a quelque chose de... Moi je trouve que ça confirme, mais ça peut aller dans le sens de l'hypothèse de la spécialisation de ce bras droit. Ah oui, je suis sur la spécialisation, je suis d'accord. Mais le sens de circulation, c'est qu'on aurait le même type de matériel qui sortirait du Rhône en même temps que l'autre remonte le Rhône. Est-ce qu'on ne peut pas plutôt imaginer... On est dans un commerce mondialisé, en même temps. Et comme vous imaginez les échanges mondialisés actuellement, il y a des échanges. Donc. Pour le même type de matériel, on aurait un port où il y aurait du plomb arriverait. C'est une bonne question. C'est-à-dire que moi, je me suis interrogé de savoir si effectivement on ne pouvait pas avoir à la jonction une zone de stockage provisoire. C'est-à-dire ce plomb de Germanie, autant dire qu'il n'est pas arrivé en fil droit de Germanie. Il a dû passer par différentes zones de stockage spécialisées. Et en l'occurrence là, je trouve que c'est une information vraiment intéressante pour les prospections éventuellement à venir. Et concernant les structures portuaires des Saintes-Maries de la Mer, là, c'est quand même un peu délicat, parce que j'ai plongé, moi, sur ces structures. En fait, on a effectivement une pierre trouée qui s'apparente aux structures de Saint-Gervais où Jean-Marie Gassin a identifié des navalias. Sauf que les navalias de Jean-Marie Gassin sont prises dans des bétons de tuyaux orientés et vraiment son dessin, même si les navalias sont mis en cause, en tout cas, il y a des hangars, il n'y a aucun problème. Au Sainte-Marie de la Mer, le bloc est beaucoup plus petit et il est surtout sur le sable posé en vrac. Ensuite, on a deux pierres. C'est difficile qu'elles ne soient pas alignées. Donc voilà, donc moi je ne crois pas du tout effectivement à ces structures qui reposent sur deux éléments où en plus on pouvait prendre n'importe quoi pour se servir d'encre. Donc c'est compliqué. C'est compliqué de. En tout cas. En l'état actuel des choses, moi, ces structures, je ne pourrais pas les interpréter. La question sur les directions, c'était justement, je pensais à ce centre de stockage et de redistribution. Tout à fait, oui. Pourquoi pas imaginer au Sainte-Marie-de-la-Mer un lieu où le plomb part ailleurs. Pourquoi pas imaginer vers l'est plutôt que l'orienter vers Arles ou en direction d'Arles ou depuis Arles. Bon, alors, merci David, c'était bien. C'était plus. Enfin, je. Pardon. Non, mais pardon. On en parle beaucoup avec David. Pardon. En fait, j'ai déjà entendu une version, une autre version, et c'est plus convaincant. Voilà. Voilà. C'est. J'osais pas le dire, mais voilà. Non. Alors, j'ai une remarque, mais enfin, c'est sous forme de question qui s'adresse peut-être aussi à Sabrina. Enfin. Et puis une deuxième question périphérique que je poserai après. Donc, la première remarque, c'est sur ces bateaux. Ces navires qui transportent du plomb sont des petits navires. Alors, est-ce que vous avez aussi pensé, ou enfin, je demande aussi à confirmation à Sabrina par rapport aux bateaux à amphores, hein, qui sont beaucoup plus grands et qui ont un plus grand tirant d'eau. Est-ce qu'il peut aussi y avoir une relation entre le contenu, la cargaison et la forme du navire? Peut-être une remontée de ce Rhône-Saint-Ferréol plus facile, ou en tout cas une pénétration dans les terres plus facile avec des bateaux plus petits. Mais c'est vraiment. C'est une question. Je ne sais pas si. Tu veux. Et puis la question périphérique. Bon, après, je vous rendrai le micro, mais voilà. Et la question périphérique, c'est. Donc, tu nous as montré les podulatium et les autres avec des inscriptions peintes. C'est très intéressant, mais elles sont. Pourquoi est-ce qu'elles sont sous les peaux? C'est pas très commode de lire des inscriptions peintes et des noms de marchands sous les peaux. Alors, j'aimerais bien que tu me donnes tes hypothèses si tu en as. C'est ça, tu lis l'inscription, mais si tu renverses le pont, c'est quoi? Tout à fait. Tu veux répondre à la première question? Ah, d'accord. Donc, alors, ces inscriptions peintes, effectivement, on en trouve 15 sur Arles et 6 sur Fosse. Et on en retrouve également à Lyon, où on en a 6, dont 2 communes à Arles, Iuliorum et LPS. Bon, Iuliorum, c'est pas évident que ce soit la même société. Les Iuli devaient en avoir des centaines de milliers. Mais en l'occurrence, ici, sous un fonds annulaire, on pouvait faire un rapprochement. Donc, mon hypothèse au départ, j'avais pas encore constaté qu'il y avait des cruches. Mais je pensais que c'était des dépôts qui, pour des raisons de stockage, étaient stockés à l'envers, un petit peu comme les confitures de nos grands-mères. et le seul espace qui était libre, c'était le fond. Après, on a trouvé des cruches. On en trouve à Fos, à Lyon et à Arles. Donc là, c'était plus possible. Donc si ces inscriptions peintes étaient placées sous des fonds, c'est qu'à l'évidence, elles ne s'adressaient pas aux consommateurs. Elles intéressaient les négociants entre eux. Ce qui suppose que ces négociants qui partagent des cruches strictement identiques, c'est-à-dire ces cruches à bandeaux moulurés, il y a que ça dans la vallée du Rhône, c'est qu'ils devaient partager un espace de stockage commun pour les différencier. Et dans le cadre d'un acheminement que j'imagine Rhône-Saône-Rhin, puisqu'il y en a aussi une à Vindonissa, je pensais que cet espace de stockage commun pouvait être le bateau en charge justement de la diffusion verticale. Donc s'il est placé là, ce serait pour ça. Je donne d'abord la parole à Sabrina avant de la donner à Marie-Pierre, puisque c'est pour répondre à ta première question, c'est ça? Oui, alors pour essayer de répondre, ça paraît pas, mais on travaille ensemble avec David. Mais non, mais je dis ça parce que parce que ça pourrait sembler un petit peu, on va dire, déconnecté, parce que effectivement, le dossier que j'ai présenté hier, c'est une étude en cours récente et les résultats de David aussi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que on a avancé en parallèle et on arrive aussi à des conclusions qui se recoupent. Moi, ce que je trouvais, enfin, tu as vu, on a sur la trentaine d'épaves antiques, on en a pas beaucoup qu'on peut exploiter, et il y a véritablement qu'un navire qui nous montre qu'il s'agit d'un navire fluvio-maritime. Mais il n'empêche que par rapport à cette réflexion et en l'absence de structures portuaires avérées au Sainte-Marie-de-la-Mer, on se demande quel serait l'intérêt de faire une zone, on va dire, de transbordement au Sainte-Marie-de-la-Mer. Et c'est pour ça que j'ai montré, je sais pas si c'était très clair, le modèle que nous montre, le modèle de navigation que révèlent les allèges d'Arles, c'est vraiment des bateaux qui font des rotations à l'échelle régionale, Arles, Languedoc, Provence, sans zone de transbordement. Et donc l'intérêt effectivement d'utiliser, on va dire, la voie Saint-Ferréol par des navires fluvio-maritimes, ce serait de pouvoir remonter et descendre sans s'arrêter en fait au Sainte-Marie-de-la-Mer. Et donc on s'inscrirait dans un circuit, on va dire, régional. Et donc l'intérêt, ça rejoint aussi peut-être ta question, c'est de si on a une voie spécialisée dans les matières premières, eh bien on aurait des bateaux, on va dire, aussi adaptés au transport de ces matériaux, et ce serait des fluviaux maritimes. C'est aussi beaucoup d'hypothèses, hein. Il faut qu'on avance sur le dossier, mais c'est intéressant que justement, en ayant avancé tous les deux de façon parallèle, on arrive aussi à des hypothèses qui se recoupent. Je ne sais pas si c'était très clair. Et avant de donner la parole à Marie-Pierre, parce que tout à l'heure, David avait l'air de s'étonner justement que, puisqu'il n'y a pas de transbordement devant le Rhône-Saint-Ferréol, qui est quand même une zone de mouillage, mais moi, je sais pas, je me demande si, comme d'ailleurs on l'a vu pour le Rhône de Fos, il n'y a pas un moment où ils sont forcés de mouiller parce que les chemins de halage sont pris, parce qu'il faut attendre, parce qu'il y a trop de trafic, non, je sais pas. Avec ce type d'encre, je pense qu'il ne devait pas rester longtemps en stationnement. Je ne sais pas. C'est un mystère, ce stationnement. Bref. Oui, moi j'avais plusieurs observations à faire. La première, c'est que je pense qu'on a eu tendance dans l'archéologie sous-marine des années antérieures de catégoriser trop de sites en zones de mouillage, tout simplement parce qu'on savait pas quoi en faire. Je parle de zones de catégorisation d'il y a 30-20 ans. Et on se retrouve aujourd'hui, quand on regarde nos cartes de sites sous-marins, avec des alignements de mouillage dans des endroits où il viendrait vraiment pas à l'idée d'un marin de se mettre au mouillage parce que il y a aucun abri. Je pense à la plage de Sète, je pense justement au Sainte-Marie. Alors, ces sites côtiers peuvent s'expliquer d'autres manières. Ça peut s'expliquer tout simplement par des rejets à la mer, de cargaisons qui sont tombées partiellement. Ça peut s'expliquer par des cargaisons qui ont été chalutées, déplacées par des chaluts. Ça peut s'expliquer encore par des naufrages à faible profondeur sur lesquels il ne reste aucun élément d'accastillage ni de coque. Et on a des restes de cargaison épars, et ça ne provient peut-être pas forcément de mouillage. Donc effectivement, un mouillage dans une zone qui n'est pas abritée, c'est difficilement concevable. Et après, j'avais une deuxième observation en ce qui concerne la spécialisation. Si j'ai bien compris, tu envisages, toi, une spécialisation plutôt par matière, par produit transporté. Et est-ce qu'il ne serait pas plutôt, est-ce qu'on peut pas garder plusieurs options de spécialisation? Parce que l'idée de la spécialisation des bassins portuaires ou des secteurs de déchargement est intéressante. Est-ce qu'on peut pas garder aussi l'idée, ou en parallèle, d'une spécialisation non pas par type de produit, mais par zone géographique d'importation? Le problème, c'est le marbre. Le marbre qui apparemment vient de Carrare, donc là... Là, c'est intéressant le marbre, parce qu'apparemment, il dépasse Foss pour arriver au bras du Lemet, ce qui a aucun sens. Donc non, par rapport à l'origine. C'est vrai que d'un point de vue logique, on va dire, on pourrait dire ceux de Betty qui prennent le bras espagnol, ceux qui arrivent de Rome, ils prennent le bras du Lemet. Dans la réalité, ça fonctionne pas. Où tu placerais alors l'épave, la seule épave avec une cargaison de barres de fer qui est dans le golfe de Foss, ça en GRV1, il me semble. Tout à fait. Ben là, disons qu'elle peut stationner. Les épaves, pour moi, je les vois stationner de toutes les façons à Foss et ensuite être redistribuées. Donc cette épave de Foss, jusqu'à preuve du contraire, on l'a pas retrouvée face à l'embouchure du Rhône du Lemet. Donc je pense qu'il y avait effectivement une zone de stationnement quasi obligatoire. Donc à partir de là où on trouve des épaves effectivement de fer, de Foss, ou même Saint-Gervais avec des épaves de lingots de plomb, ça pose pas de soucis. Car dans l'idée, j'envisage vraiment cette zone de stationnement comme une zone de redistribution des bateaux en fonction de la nature de la cargaison. Mais dans l'hypothèse où effectivement on aurait une configuration de bateaux de commerce régional qui permettrait de ne pas avoir de zone de rupture de charge ou un stationnement qui est lié simplement à des conditions météorologiques ponctuelles, les navires qui viennent notamment d'Espagne ou de la côte plutôt de languedocienne, si on est dans un commerce régional, n'ont pas vraiment besoin d'aller à Foss pour ensuite repartir vers le bras de Saint-Ferréol. Ben, disons, j'en discutais avec Philippe Rigaud. Qui me disait qu'il y avait des bateaux qui voulaient remonter le Rhône et qui stationnaient assez loin parce que les zones étaient protégées. Donc ça l'embêtait pas plus que ça. C'est pas très loin. Et en même temps, encore une fois, il faut que le vent soit favorable. Il faut que les chemins de nalage soient libres. Il y a des tas de conditions qui pourraient faire de Foss avec les structures que tu as trouvées qui sont difficiles encore à interpréter. Mais cette zone de stationnement quasi obligatoire pour peut-être établir des contrôles, des redistributions, des stockages provisoires et ensuite de dispatcher ces bateaux. Donc ça me pourrait pas être un problème. Juste une dernière remarque, Corinne, si tu veux intervenir sur l'histoire de la chronologie de la du fonctionnement du canal de Marius, même si pour l'instant on l'a pas trouvé. Je sais que certains donnent un ensablement probable dans le courant du 1er siècle après. Ceci étant, il est encore mentionné comme fonctionnement au moins au 2e siècle, ce qui D'accord. correspond aux datations d'une part des épaves en question. Ah, il faut le retrouver, il faut faire des sondages, il faut voir. Merci. Je voulais te demander ce que tu envisageais comme cargaison complémentaire à ces épaves de plomb et de métal, parce que je pensais à l'épave de Comac où on a des gros lingots de plomb, mais de poids espagnol, d'ailleurs en Adriatique, c'est pas forcément logique et pourtant, et où il y a quand même toute une cargaison très très diversifiée. Et de même, quand tu parles de spécialisation des entrepôts, elle n'est pas forcément prouvée. On en discutait avec Renato, mais c'est vrai qu'on peut aussi, enfin, les entrepôts peuvent aussi stocker, même sur des suspensoriae, tout un tas de marchandises par cellule et pas uniquement du blé. Donc, mais bon, là, on est dans la problématique des entrepôts. Et si tu as, peut-être par comparaison, une idée de ces cargaisons complémentaires, c'est peut-être quelque chose aussi à intégrer à la réflexion. Non, tout à fait, il y a des cargaisons complètement complémentaires, il y a des lingots de plomb et des amphores. Donc là, pour l'instant, moi vraiment je m'appuie sur cette absence. C'est vrai que c'est quand même complètement incroyable de pas trouver des épaves d'amphores, de pas trouver ces parois fines de bétique ou même la sigillée qui devait transiter. Donc là, c'est des centaines de milliers de fragments qu'on devrait trouver, surtout avec un chalut qui passe. Donc là, après, on peut tout envisager, hein, il faut rester dans le vraisemblable. Est-ce que ces bateaux arrivés à Foss avec ces cargaisons secondaires étaient dispatchés, redistribués dans d'autres bateaux de type maritime qui permettaient de remonter le Rhône directement? Je sais pas. C'est pour répondre à Corinne, oui. Justement, en parlant de Comacchio, l'épave, je la connais, je sais qu'il y a effectivement un chargement complémentaire de bois, si je me trompe pas, et c'est le cas à SM24. SM24, on a, je sais pas si tu t'en souviens, je l'ai pas mentionné hier, mais on a une cargaison complémentaire de rondins de bois blanc, le bois n'a jamais été analysé malheureusement parce qu'on aurait pu déterminer la provenance. Après, qu'est-ce que ça représente cette cargaison complémentaire par rapport au bar? Et est-ce que c'est le cas sur les autres chargements? Mais en tout cas, on a cette attestation sur SM24 et qui rappelle Comacchio. Pour ajouter le bois en matière première. Oui, moi ma remarque c'était pour appuyer l'hypothèse d'un stationnement, d'un dispatching et d'un stockage à Fos. C'est qu'il a existé encore à l'époque mérovingienne un cellarium fisci à Fos pour lequel on conserve des privilèges. Alors la date de ces privilèges m'est sortie de la tête, mais c'est le 6e et le début du 7e siècle. D'accord. Donc au début du 7e siècle, ce cellarium fisci où on allait chercher des produits tinctoriaux, des étoffes précieuses, des épices, etc., était encore opérationnel. Deux remarques par rapport au mouillage. Si, la première, si tu peux montrer une carte du Golfe et expliquer pourquoi cette carte générale. Non, cette carte générale, là, ça va très bien. Du Delta, peu importe laquelle. Quand on vient d'Espagne ou quand on vient de l'Ouest, le premier mouillage le plus sûr, c'est bien entendu Fos-sur-Mer, qui n'est pas tout à fait de cette... on ne voit pas malheureusement plus à l'est, si tu peux montrer où est Fos et le Golfe et le Palais au Rivage. Et tu as une carte générale où on voit peut-être la baie de Marseille. Très bien, voilà ça. Voilà. Il y a dans cette zone deux vents dominants. C'est le Mistral, donc un vent qui vient de terre, nord-ouest. Et donc quasiment toutes les côtes protègent plus ou moins de ce vent. Fos-sur-Mer encore plus parce qu'il y a le rocher de l'Auture, c'est particulièrement protégé. Et les autres vents dominants, c'est des vents, voilà, c'est des vents qui viennent de sud-est. Et donc la côte bleue, tu peux montrer où est toute la côte bleue, et la chaîne de la Nerthe protège des vents, voilà. Donc on a des vents qui viennent dans cette direction. Et ça veut dire que toute cette zone-là se trouve très très exposée aux vents qui viennent dans cette direction. Et le mouillage le plus sûr quand on vient de l'ouest, c'est bien entendu venir ici dans ces anses. Et hier, Sabrina se posait la question sur le port des Laurons qui est ici. Le port des Laurons, il a la caractéristique d'être très très protégé des vents de sud-est. Et ça pourrait être très bien une zone d'attente. En plus, Laurons, ça veut dire résurgence d'eau. En plus, il y a de l'eau douce qui surgit ici. On peut récupérer de l'eau douce et attendre des bonnes conditions pour éventuellement remonter un cours du fleuve. Donc moi, je trouve ça extrêmement, mis à part tes arguments qui sont très convaincants sur l'absence d'amphores et d'épaves transportant des amphores, effectivement, moi, je trouve que ton hypothèse, elle est très, très très, très convaincante. Tes arguments sont très, très convaincants de la spécialisation. Après, peut-être j'aurai d'autres remarques sur l'embouchure et la position des... Il y a quand même un gros problème par rapport à l'hypothèse de Duclon sur la position de ces épaves systématiquement échouées sur des barres d'avant-côte. Ça ne va pas avec une embouchure, mais peut-être qu'il y a encore des questions archéologiques. Y a-t-il des questions archéologiques? Donc, la dernière... Est-ce que tu peux montrer la carte de Luc avec toutes les épaves et l'embouchure? Il y a un gros problème. C'est que... Luc part sur une hypothèse d'échouement sur des barres d'avant-côte. Or, à l'embouchure, on n'a pas de barres d'avant-côte. Les barres d'avant-côte, c'est sur les littoraux linéaires. Voilà, ça, ce que tu représentes ici, c'est barres d'avant-côte. Premièrement, il n'y a pas systématiquement trois barres d'avant-côte. Si les géomorphologues avaient ce schéma-là, ils seraient vraiment très, très heureux. Chaque fois que vous positionnez une ligne de rivage, vous allez à 50 mètres. Et donc, vous avez l'ancienne barre d'avant-côte, etc., etc. Il est totalement faux, ce schéma. C'est pas toi, ça? Oui, c'est moi. Donc, ce schéma est totalement faux, à mon avis. Il n'est pas systématique. Et est-ce que tu peux remontrer la carte de l'embouchure avec toutes les épaves et ses îlots? Voilà. Donc, pour Luc Long, ses épaves s'échouent sur des barres d'avant-côte parce que là, il met un littoral. Mais, et des petits îlots. Mais il n'y a pas de barre d'avant-côte sur ces systèmes-là. Il y a une barre très très très très haute, très très élevée, et après il y a l'embouchure dans lequel ici il y a ce qu'on appelle les barres d'embouchure. Et effectivement, c'est là où on a plutôt tendance à s'échouer. Donc il faudrait voir Alors là, ça peut être un type d'avarie. C'est, les bateaux sont en avarie et s'échouent sur une ligne de côte. Mais ils se sont pas échoués sur une barre d'avant-côte. On est dans un système d'embouchure. Donc là, il y a un gros problème avec le schéma géomorphologique. Il n'est pas tout à fait compris, à mon avis. Donc, moltissime grazie. Je me demande si tous ces points qu'on voit sur la carte en ce moment sont vraiment des épaves. C'était le sens de mon observation précédente. Parce que Sabrina nous a dit hier que sur l'ensemble des sites des Saintes-Maries, elle n'avait que quelques bateaux susceptibles de correspondre à des épaves pour lesquelles elle avait de la coque conservée. Alors, comment fait-on pour caractériser une épave quand on n'a ni accastillage, ni vestiges ligneux ? Enfin, elle va répondre, Sabrina, mais il y a peut-être... moi, j'ai dit que quand un patron de chalutier ramène 6 lingots de cuivre qui proviennent de la même production, apparemment, ça signale effectivement une épave alors qu'on l'a pas. Et pour les concrétions, les épaves de fer, c'est des concrétions vraiment où tout est métallifié. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu faire de relevé, on n'a pas pu même des fois déganguer tellement que c'était dur. Donc quand on arrive à avoir des éléments de coque, c'est qu'on est arrivé à prendre une grosse concrétion avec des parachutes des fois de 2 à 3 000 litres et qui ont permis d'enregistrer des fois en négatif les éléments de bois. Donc c'est extrêmement difficile d'arriver à identifier les éléments d'architecture navale. Parfait. Donc, molte grazie a David e anche a tutte le persone che hanno fatto gli interventi e domande.